Chapitre 9. Triomphe du général. La voiture approchait du perron. Des domestiques accouraient de tous côtés. Madame Papowski, que ses enfants avaient averti de l'approche d'une visite, s'était postée sur le perron pour voir descendre les invités du général. « Enfin, se disait-elle, voici quelqu'un. Je ne serai plus toujours seule avec ce méchant vieux qui m'ennuie à mourir. » Elle ne put retenir un cri de surprise en voyant le général sortir de cette vieille berline. Sa corpulence remplissait la portière et masquait les personnes que contenait la voiture. « Comment, mon oncle, vous êtes là-dedans ? » « Oui, Maria Petrovna, c'est moi, » dit le général, en s'arrêtant sur le marchepied et en continuant à masquer son autre nièce aux regards avides de Madame Papowski. « Je vous amène du monde. Devinez qui ?»« Comment puis-je deviner, mon oncle ? Je ne connais aucun de vos voisins. Vous n'avez jamais invité personne. » « Ce ne sont pas des voisins, ce sont des amis que je vous amène. D'anciens amis, car vous n'êtes pas jeune, Maria Petrovna. » Madame Papowski rougit beaucoup et voulut répondre, mais elle se mordit les lèvres, se tut et attendit. « Voilà, » dit le général après l'avoir contemplé un instant avec un sourire de triomphe. « Voilà vos amis. » Il descendit, se tourna vers la portière, fit descendre sa petite nièce. Madame Papowski étouffa un cri de rage. Puis sa nièce. Madame Papowski ne put retenir un sourd gémissement. Une pâleur livide remplaça l'animation de son teint. Elle chancela et s'appuya sur l'épaule de son oncle. Le général. « Vous voilà satisfaite. J'avais raison de dire d'anciens amis. J'aime cette émotion à la vue de votre sœur. C'est bien, je m'y attendais. » Le général avait l'air rayonnant. Son triomphe était complet. Madame Papowski luttait contre un évanouissement. Elle voulut parler, mais sa bouche entr'ouverte ne laissa échapper aucun son. Elle eut pourtant la pensée confuse que son trouble pouvait être interprété favorablement. Cet espoir la ranima, ses forces revinrent. Elle s'approcha de sa sœur tremblante. « Pardon, ma sœur, j'ai été si saisie. » Le général avec malice. « Et si heureuse !» Madame Papowski avec hésitation. « Oui, mon oncle, vous l'avez dit. Si heureuse de voir cette pauvre Nathalie. » Le général de même. « Et chez moi encore. Cette circonstance a dû augmenter votre bonheur. » « Certainement, mon oncle, je sens la joie. » Le général riant. « Eh, embrassez-vous. Embrassez votre nièce, vos neveux, Maria Petrovna, et remettez-vous. » Madame Papowski embrassa en frémissant sa sœur, nièce et neveu. « Viens, mon enfant, que je te mène à ton appartement, » dit le général en prenant le bras de Madame d'Abrovine. « Suivez-nous, Maria Petrovna. » Le langage affectueux du général à Nathalie occasionna à Madame Papowski un nouveau frémissement. Elle repoussa Natacha et ses frères, qui restèrent un peu en arrière, et suivit machinalement. Le général pressait le pas. En arrivant près de la porte du bel appartement, il quitta le bras de Nathalie, la porte s'ouvrit. Derigny, sa femme et ses enfants attendaient le général avec sa nièce à l'entrée de la porte. Le général. « Te voici chez toi, ma chère enfant, et je suis sûre que tu y seras bien, grâce à mon bon Derigny que voici, à son excellente femme que voilà, et même à leurs enfants, mes deux petits amis, Jacques et Paul, qui ont travaillé comme des hommes. Je te les présente tous, et je les recommande à ton amitié. » Madame d'Abrovine. « D'après cette recommandation, mon oncle, vous devez être assuré que je les aimerai bien sincèrement, car ils vous ont sans doute donné des preuves d'attachement pour que vous en parliez ainsi. » Et Madame d'Abrovine fit un salut gracieux à Derigny et sa femme, s'approcha de Jacques et de Paul, qu'elle baisa au front en leur disant « J'espère, enfant, que vous serez bons amis avec les miens, qui sont à peu près de votre âge. Vous leur apprendrez le français, ils vous parleront le russe. Ce seront des services que vous vous rendrez réciproquement. » « Entrez, entrez tous !» s'écria le général. « Et voyez ce qu'a fait Derigny en 15 jours de cet appartement sale et démeublé. » Madame Papowski se précipita dans la première pièce, qui était un joli salon ou salle d'études. Rien n'avait été oublié. Des meubles simples mais commodes, une grande table de travail, un piano, une jolie tenture de perse à fleurs, des rideaux pareils, donnaient à ce salon un aspect élégant et confortable. Madame Papowski restait immobile, regardant de tous côtés, pâlissant de plus en plus. Madame d'Abrovine examinait, d'un œil triste et doux, les détails d'ameublement qui devaient rendre cette pièce si agréable à habiter. Quand elle eut tout vu, elle s'approcha de son oncle, les yeux pleins de larmes, et lui baisant la main. « Mon oncle, que vous êtes bon. Oui, bien bon. Quels soins aimables !» Natacha avait couru à tous les meubles, avait tout touché, tout examiné. En terminant son inspection, elle vint se jeter au cou de son oncle et l'embrassa à plusieurs reprises en s'écriant. « Que c'est joli, mon oncle, que c'est joli! Je n'ai rien vu de si joli ni de si commode. Nous resterons ici toute la journée, maman et moi. Et vous, mon oncle, vous viendrez nous y voir très souvent et très longtemps. Vous fumerez là, dans ce bon fauteuil près de cette fenêtre, d'où l'on a une si jolie vue, car je me souviens que vous aimez à fumer. Alexandre, Michel et moi, nous travaillerons autour de cette belle table. Nous jouerons du piano, et pauvre maman sera là, tout près de vous. » Madame Papowski, avec un sourire forcé. « Et moi, Natacha, où est ma place ?» Natacha, embarrassée et rougissante. « Pardon, ma tante, je ne pensais pas qu'il vous fût agréable de sentir l'odeur du tabac !» cria le général, en embrassant à son tour sa bonne et aimable petite nièce et en riant aux éclats. « Merci, mon oncle !» lui dit Natacha à l'oreille en lui rendant son baiser. « Je l'avais oublié !» Le général. « Allons dans les chambres à coucher à présent. Voici la tienne, mon enfant. » Nouvelles surprises, nouvelles exclamations et fureur redoublée de Madame Papowski, qui comparait son appartement avec celui de la sœur qu'elle détestait. Natacha et ses frères couraient de chambre en chambre, admiraient, remerciaient. Quand ils surent que tout était l'ouvrage des d'Hérigny, Natacha se jeta au cou de Madame d'Hérigny et serra les mains de d'Hérigny, pendant que les deux plus jeunes embrassaient avec une joie folle Jacques et Paul. Le général ne se possédait pas de joie. Il riait aux éclats, il se frottait les mains, selon son habitude, dans ces moments de grande satisfaction. Il marchait à grands pas, il regardait avec tendresse Madame d'Abrovine, qui souriait aux explosions de joie de ses enfants, et Natacha, dont les yeux rayonnants exprimaient le bonheur et la reconnaissance. Sans cesse, en passant et en repassant devant son oncle, elle déposait un baiser sur sa main ou sur son front. « mon oncle !» s'écria-t-elle. « Que je suis heureuse, que vous êtes bon !»« Et moi donc, mes enfants, je suis heureux de votre joie. Depuis de longues, longues années, je n'avais vu autour de moi une pareille satisfaction. Une seule fois en France, j'ai fait des heureux. Mes bons d'Hérigny et leurs frères et sœurs, Moutier et Elfie. » Natacha. « Oh, mon oncle, racontez-nous ça, je vous en prie. Je voudrais savoir comment vous avez fait et ce que vous avez fait. » « Plus tard, ma fille, » répondit le général en souriant, « ce serait trop long. À présent, reposez-vous, arrangez-vous dans votre appartement. D'Hérigny va vous envoyer votre femme de chambre. Dans une heure, nous dînerons. Maria Petrovna, restez-vous avec votre sœur ?» Madame Papowski. « Oui, non, c'est-à-dire, je voudrais présenter mes enfants à Natalie. » « Vous avez raison, allez, allez, moi je vais avec D'Hérigny à mes affaires. » Madame Papowski sourit, courut chez elle, regarda avec colère le maigre ameublement de sa chambre, et se laissant aller à sa rage jalouse, elle tomba sur son lit en sanglotant. « L'héritage, pensait-elle, 600 000 roubles de revenus, une terre superbe. Il ne me les laissera pas. Il va tout donner à cette odieuse Natalie qui fait la désolée et la pauvre pour la pitoyer. Et sa sotte fille, qui saute comme si elle avait 10 ans, qui se jette sur lui, qui l'embrasse. Et lui, gros imbécile, qui croit qu'on l'adore, qui trouve ses gambades charmantes. Il tutoie ma sœur, et moi, il m'appelle Maria Petrovna. Il les embrasse tous, et nous, il nous repousse. Il fait arranger un appartement comme pour des princes, eux qui sont dans la misère, qui mangent du pain noir et du lait caillé, qui couchent sur des planches, qui ont à peine des habits de rechange. Et moi qui suis riche, qui suis habituée à l'élégance, il me traite comme ces vilains d'Hérigny que je déteste. J'ai bien su par mes femmes que c'était les meubles et les lits des d'Hérigny qu'on m'avait donnés. » Ces réflexions et mille autres l'occupèrent si longtemps qu'on vint lui annoncer le dîner avant qu'elle eût séché ses larmes. Elle s'élança de son lit, passa en toute hâte de l'eau fraîche sur ses yeux bouffis, lissa ses cheveux, arrangea ses vêtements, et alla au salon, où elle trouva le général avec madame d'Abrovine et ses enfants, qui jouaient avec leurs cousins et cousines. « Nous vous attendons, Maria Petrovna, » dit le général en s'avançant vers elle et lui offrant son bras. « Nathalie, je donne le bras à ta sœur, quoique tu sois nouvellement arrivée, parce qu'elle est la plus vieille. Elle a bien 10 ou 12 ans de plus que toi. » Madame d'Abrovine embarrassée. « Oh non, mon oncle, pas à beaucoup près. » Madame Papovski piquée. « Ma sœur, laissez dire mon oncle, ça l'amuse de me vieillir et de vous rajeunir. » Le général enchanté. « Mettez que je me sois trompée de 2 ou 3 ans, ma nièce. Nathalie a 32, vous en avez bien 42. » Madame Papovski. « 50, mon oncle, 60, si vous voulez. » Le général avec malice. « Hé, hé, nous y arriverons, ma nièce, nous y arriverons. Voyons, vous êtes née en 1816... » Madame Papovski. « Ah, mon oncle, à quoi sert de compter, puisque je veux bien vous accorder que j'ai 60 ans. » Le général. Du tout, les bons comptes font les bons amis et... » Madame d'Abrovine. Mon cher oncle, nous voici dans la salle à manger. Je dois vous avouer que j'ai si faim. » Le général. Et moi, j'ai faim et soif, à la vérité. Alors je dis de 1800... » Madame d'Abrovine. La vérité, la voici, mon oncle. C'est que vous êtes un peu taquin comme vous l'étiez jadis, et que vous vous amusez à tourmenter la pauvre Maria, qui ne vous a rien fait pourtant. Regardez Natacha, comme elle vous regarde avec surprise. » Le général se retourna vivement, quitta les bras de Madame Papovski et fit asseoir tout le monde. « Est-ce vrai que tu t'étonnes de ma méchanceté, Natacha? Tu me trouves donc bien mauvais. »« Mon oncle !» Natacha rougit et se tut. « Parle, mon enfant, parle sans crainte, puisque je viens de dire que j'ai faim et soif de la vérité. » Natacha. « Mon oncle, il me semble que vous n'êtes pas bon pour ma tante, et c'est ce qui cause mon étonnement. Je vous ai connu si bon, et maman disait de même chaque fois qu'elle parlait de vous. » « Et à présent, que dis-tu, que penses-tu ? » « Je pense et je dis que je vous aime, et que je voudrais que tout le monde vous aimât. » « Nous reparlerons de cela plus tard, ma petite Natacha. En attendant que je me corrige de mon humeur taquine, dînons gaiement. Je te promets de ne plus faire enrager ta tante. » « Merci, mon oncle. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, d'avoir parlé franchement ? » Le général riant. « Non seulement je te pardonne, mais je te remercie. » Et je te nomme mon conseiller privé. » Le général, de plus en plus enchanté de ses nouveaux convives, fut d'une humeur charmante. Il réussit à égayer sa nièce d'Abrovine, qui sourit plus d'une fois de ses saillies originales. Dans la soirée, les enfants allèrent jouer dans une grande galerie attenante au salon. Natacha allait et venait, aimait les jeux qu'elle dirigeait, faisait sourire sa mère et rire son oncle par sa joie franche et naïve. Plusieurs jours se passèrent ainsi. Le général s'attachait de plus en plus à sa nièce d'Abrovine et détestait de plus en plus les Papovski. Un soir, Natacha accourut dans le salon. « Mon oncle, dit-elle, permettez-vous que j'aille chercher Paul et Jacques pour jouer avec nous? Ils doivent avoir fini de dîner. » « Va, mon enfant, fais ce que tu voudras. » Natacha embrassa son oncle et partit en courant. Elle ne tarda pas à revenir, suivie de Jacques et Paul. Jacques s'approcha du général. « Vous permettez, mon général, que nous jouions avec vos neveux et nièces? Mademoiselle Natacha nous a dit que vous vouliez bien nous laisser venir au salon. »« Certainement, mon bonhomme. Natacha est mon chargé d'affaires. Fais tout ce qu'elle te dira. » Jacques ne se le fit pas répéter 2 fois et entraîna Paul à la suite de Natacha. On les entendait du salon rire et jouer. Le général rayonnait. Madame d'Abrovine le regardait avec une satisfaction affectueuse. Madame Papovski s'agitait, s'effrayait du tapage des enfants, qui devait faire mal à son bon oncle, disait-elle. Le général avec impatience. « Laissez donc, Maria Petrovna, j'ai entendu mieux que ça en Circassie et en Crimée. Que diable, je n'ai pas les oreilles assez délicates pour tomber en convulsion au rire et au cri de joie d'une troupe d'enfants. » Madame Papovski. « Mais, mon cher oncle, on ne s'entend pas ici, vous ne pouvez pas causer. »« Eh bien, le grand malheur! Est-ce que j'ai besoin de causer toute la soirée? Je me figure que je suis père de famille. Je jouis du bonheur que je donne à mes petits-enfants et du calme de ma pauvre Nathalie. » Madame Papowski se mordit les lèvres, reprit sa tapisserie et ne dit plus mot pendant que le général causait avec Madame d'Abrovine. Elle lui donnait 1000 détails intéressants sur sa vie intime des 10 dernières années et sur ses enfants dont elle faisait elle-même l'éducation. La conversation fut interrompue par une dispute violente et des cris de fureur. Le général. « Eh bien, qu'ont-ils donc là-bas ? » Madame d'Abrovine. « Je vais voir mon oncle, ne vous dérangez pas. » Madame d'Abrovine entra dans la galerie. Elle trouva Alexandre qui se battait contre Mitineka et Yegor. Michel retenait fortement Sonushka. Et Jacques, les yeux brillants, les poings fermés, se tenait en attitude de boxe devant Paul, qui essuyait des larmes qu'il ne pouvait retenir. Natacha cherchait vainement à séparer les combattants, les autres criaient « qui mieux mieux ». L'entrée de Madame d'Abrovine rétablit le calme comme par enchantement. Elle s'approcha d'Alexandre et lui dit sévèrement « N'êtes-vous pas honteux, Alexandre, de vous battre avec votre cousin ? Et toi, Michel, que veut dire cette violence envers ta cousine ?» Les enfants commencèrent à parler tous à la fois. Natacha se taisait. Sa mère, ne comprenant rien aux explications des enfants, dit à Natacha de lui raconter ce qui s'était passé. Natacha rougit et continua à garder le silence. « Pourquoi ne réponds-tu pas, Natacha ?»« Maman, c'est qu'il faudrait accuser quelqu'un et je ne voudrais pas... »« Mais j'ai besoin de savoir la vérité, ma chère enfant, et je t'ordonne de me dire bien sincèrement ce qui s'est passé. »« Maman, puisque vous l'ordonnez, dit Natacha, voici ce qui est arrivé. » Alexandre et Michel ont voulu défendre le pauvre petit Paul, que Mitineka, Sonushka et Yegor tourmentent depuis longtemps. Jacques et moi, nous avons fait ce que nous avons pu pour le protéger, mais ils se sont réunis tous contre nous et ils se sont mis à nous battre. Voyez comme Michel est griffé et comme Alexandre a les cheveux arrachés. Quant au bon petit Jacques, il n'a pas donné un seul coup, mais il en a reçu plusieurs. Venez au salon, Alexandre, Michel, avec Jacques et Paul, dit Madame d'Abrovine, et laissez vos cousins et cousines se quereller entre eux. Le général avait entendu Natacha et sa nièce. Il ne dit rien, se leva, laissa entrer au salon Madame d'Abrovine et sa suite, entra lui-même dans la galerie, tira vigoureusement les cheveux et les oreilles aux trois aînés, distribua quelques coups de pied à tous, rentra au salon et se remit dans son fauteuil. « Dis-moi, mon enfant, qu'ont-ils fait à mon pauvre petit Paul ?» Natacha. « Mon oncle, nous jouions aux malades. Paul était un des malades. Mitineka, Sonushka et Yegor, qui étaient les médecins, ont voulu le forcer à avaler une boulette de toile d'araignée. Le pauvre petit s'est débattu. Jacques est accouru pour le défendre. Ils ont battu Jacques, qui ne leur a pas rendu un seul coup. Ils l'ont jeté par terre, et ils allaient s'emparer de nouveau de Paul, malgré les prières de Jacques, quand Alexandre et Michel, indignés, sont venus au secours de Jacques et de Paul, et ont été obligés de se battre contre Mitineka, Sonushka et Yegor, qui n'ont pas voulu nous écouter quand nous leur avons dit que ce qu'ils faisaient était mal et méchant. Alors maman est entrée, et Paul a été délivré. » Pendant que Natacha racontait avec animation la scène dont Madame d'Abrovine avait vu la fin, le général donnait des signes croissants de colère. Il se leva brusquement, et s'adressant à Madame Papowski qui entrait au salon. « Madame, vos enfants sont abominablement élevés. Vous en faites des tyrans, des sauvages, des hypocrites. Je ne veux pas de ça chez moi, entendez-vous ? Vous et vos méchants enfants, vous troublez la paix de ma maison. Vous changerez tous de manière et d'habitude, ou bien nous nous séparerons. Vous êtes venus sans en être priés, je sais bien pourquoi, et au lieu de faire vos affaires comme vous l'espériez, vous perdez de plus en plus dans mon esprit. » Madame Papowski fut sur le point de se livrer à un accès de colère, mais elle put se contenir et répondit à son oncle d'un ton larmoyant. « Je suis désolée, mon oncle, désolée de cette scène. Je les fouetterai tous si vous le permettez. Fouettez-les vous-même si vous le préférez. Ils ne recommenceront pas, je vous le promets. Ne nous éloignez pas de votre présence, mon cher oncle. Je ne supporterai pas ce malheur. » Le général croisa les bras, la regarda fixement. Son visage exprimait le mépris et la colère. Il ne dit qu'un mot, « misérable ». et s'éloigna. Le général prit le bras de Nathalie, la main de Natacha, appela Alexandre, Michel, Jacques et Paul, et marcha à grands pas vers l'appartement de Madame d'Abrovine. Il entra dans le joli salon où il passait une partie de ses journées, s'y promena quelques instants, s'arrêta, prit les mains de sa nièce, la contempla en silence et dit « C'est toi seule qui es et qui seras ma fille. Douce, bonne, tendre, honnête et sincère, tu as fait des enfants à ton image. L'autre n'aura rien, rien. Oh, mon oncle, je vous en prie. » Le général lui serrant les mains. « Tais-toi, tais-toi, tu vas me rendre la colère qui a manqué de m'étouffer. Laisse-moi oublier cette scène et la platitude révoltante de ta sœur. Près de toi et de tes enfants, je me sens aimé, j'aime et je suis heureux. Près de l'autre, je hais et je méprise. Jouez, mes enfants, ajouta-t-il en se retournant vers Jacques, Paul et ses neveux. Je ne crains pas le bruit, amusez-vous bien. » Jacques. « Général, est-ce que nous pouvons jouer à cache-cache et courir dans le corridor ? À cache-cache, à la guerre, à l'assaut, tout ce que vous voudrez. Ma seule contrariété sera de ne pouvoir courir avec vous. Mais auparavant, allez me chercher d'Érigny. Nathalie, je commence mon établissement du soir chez toi. Me permets-tu de fumer ? Avez-vous besoin de le demander, mon oncle ? Vous avez donc oublié combien j'aimais l'odeur du tabac ? Non, je me le rappelle, mais je craignais de me faire penser à mon pauvre Dmitri qui fumait toujours avec vous. Je ne l'oublie jamais, dans aucune circonstance. Et j'aime tout ce qui me le rappelle. » Le général ne répondit pas et rapprocha son fauteuil de celui de sa nièce, lui prit la main, la serra et resta pensif.